choix de vie. Ok, ok, okay. Choix de vie. Altesse. Choix de vie, choix de vie. L'insolente Daska. Choix de vie. Ok, hors chemin. Choix de vie. Épiné 93. Choix de vie. Hors chemin. Choix de vie, choix si t'es, si t'es blanche, okay. Je me pose sur le beat, encore affamé comme un pitbull. Je déboule, j'ai l'habitude, quand mon son vient prendre de l'attitude. Attitude névrosée, car j'arrache les roses, elles sont rincées. Les conséquences dépendent des causes, ramasse les pots cassés. Pendant que tu pullules sur le net, écoute mes classiques. Une bonne zixée, plume de poète contre big en plastique. Stick au bout des lèvres, amère et la défaite. Dur de voir la vie à son zénith, de rester zen à la beuglette. Quête le passage de ma clique en évident. J'évite les barbes qui viennent boire dans les ruisseaux de mes finances. Vermisseau, t'as nourri ton enfant sur les cahiers. Y'a pas que des racailles qui viennent se réchauffer dans nos caches d'escalier. Lié au train de vie quotidien de la peine, on me dit fais pas le con. Mais j'suis perdu dans le compartiment à problème. Le temps blême, un blâme sur le bulletin. Le temps passe, faut que j'me prêche, voilà la plus grosse part du putain. Choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. Si j'ai choisi de braquer, c'est parce que j'ai dérapé. Dans le RERAP, des fois le choix est compliqué. Quand les flics doivent rappliquer, le plan B faut appliquer. Pas le temps de répliquer, j'ai pas choisi de vivre. Mais je suis content d'être là, je choisirai pas de mourir. Mais il faudra bien partir, j'ai pas choisi le bon chemin. Je suis pas sûr d'être là demain, j'ai pas toujours fait le bon choix. Mes parents sont pas fiers de moi, on choisit de faire des conneries. On choisit pas la sombrie, t'as choisi d'être gentil. Tout le monde te prend pour un con, faut pas confondre gentillesse et faiblesse. Laisse ces gens là, on les blesse. On a choisi la thèse comme lieu de business. Si j'ai choisi de vendre au détail, c'est que j'avais la dalle. Il faut que je graille, il faut de la maille, il faut que je taille. Hard taille. Des fois les choix font mal et dans ton cœur reste une entaille. T'as choisi de rentrer dans la bataille, ton flow n'est pas taille. Choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. On choisit pas sa vie, mais c'est la mort qu'on craint. On n'a pas le même avenir, on n'est pas monté dans le même train. Son premier de la classe, d'autres sont premiers sur le terrain. Quand tu seras le premier dans la crasse, qui te tendra la main? Je suis qu'un enfant parmi tant d'autres issus de la banlieue parisienne. Je viens de là où les blocs s'effondrent sous les hurlements des hyènes. Sous ici dans les veines, pour rien ça sort les gaines. Toujours la même dégaine, pèse son joint sur du lit. Ouais, on a l'instinct pirate, tout comme Jack Sparrow. Mais ici c'est pas les steaks, demande à Zach Sparrow. Si on roule des joints, aussi gros que des télescopes, c'est pour mieux viser la lune et faire qu'est gros tous les potes. J'ai le style qui cartonne, ramène tout ton cartel. J'ai sorti Smith et Wesson, je te fais danser en porte-jartel. Nique là-bas qu'on est criminel, on encule la PVL. Du sang guerrier dans les veines, les scientifiques comme on ADN. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents. C'est mon choix de vie. Quand j'écris, je reste indépendant. Choix de vie. 93, le département. Choix de vie. Traîne toujours en bas des bâtiments. Choix de vie, choix de vie. Boy, les arts incandescents.